بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ماذا أخذنا أمس؟ الحال. ما هو الحال؟ الاسم والاسم المنصوب المفسر لما استنبط من العلات. نعم، هات مثالا. ركبت مسرجا. مسرجا، نعم. جاء زيد راكبا. تذكر شروط الحال؟ الكونديسيون دو حال؟ ان يكون نكرة وان يكون بعد تمام الكلام. نعم. وشرط صاحب الحال؟ لا ياتي الا معرفة. نعم. طيب، الان سندخل في التمييز. وكما ذكرت لك، التمييز يحتاج الى تمييز. هذا الباب في الغالب اشكل على الاعاجم. Un باب qui est facile mais qui n'a pas d'équivalent dans notre langue. Donc souvent on n'arrive pas à discerner parce que on fait un qiyas avec le français. Et de là يعني تنقلب عليك علينا الأمور. وفي الحقيقة ليس بصعب، هي فاسيل، ما فو با لو سي دو كومبرون كوم سي دو كومبرون ان فرونسي. تا دوت شوز كون ا ان عرب اون اريف ان بو ا تروفي ان سيميليتي ديك لو فرونسي. اما التمييز صعب، اصعب دي فوا تي بو دي فوا تشايف با. ويشبه الحال في الشكل وقد يشبه المفعول به. يرسم حاله وسم مفعول به بارفوا. C'est pour ça que lorsque tu tiens bien les choses, les shurut, les dawabit, inshallah, à la fin, tu ne confonds pas entre les umur. Biznillah ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأجرمية. باب التمييز. التمييز هو الاسم والمنصوب والمفسر لمن مهما من الذوات. من الذوات نحو قولك تسبب زيد غرق وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. الآن ذكر التمييز في المتن avec des exemples qui vont revenir inshallah au fur du charh. On va les reprendre dans le charh, donc là pas la peine de revenir. Donc قال، dis-moi pas la peine de le citer tout de suite pour pas avoir à répéter. قال في شرح التمييز تعرفه هو الاسم والمنصوب والمفسر لما استبهم من الذوات او النصب. Donc là il a repris le ta'rif comme dans le matn, إلا أنه فعل كما فعل في الباب الماضي. Il a changé انبهم par استبهم. C'est le اسم منصوب qui vient pour éclaircir ce qui était rendu vague, hormis les zawat, on dirait un zat, c'est la réalité d'une chose, une essence. Nisab, c'est ce qui est lié à une phrase. Comme tu vas le voir, que le tamiz se divise en deux catégories, tamiz zat, qu'on appelle tamiz mufrad, وتمييز النصب كنا نقول تمييز الجملة. طابات إن شاء الله كإكزامبل. مثاله اشتريت 20 غلاما. Ça, c'est tamiz mufrad. Wa taba Muhammadun nafsa. J'ai acheté 20 garçons, des petits garçons, des roulems, des valets. قال إغرابه غلاما تمييز ذات مفرد كما دي لأنه فسر كلمة مفردة هي 20 il est venu pour expliquer la confusion ou la chose qui n'était pas éclaircie dans le mot 20. طيب لو قلنا لك اشتريت 20 ثم أقف. J'ai acheté 20, je m'arrête. هل هذا واضح لك؟ لا. يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شيء يفسر. 20 ماذا؟ 20 كوا. فذاك الاسم الذي يأتي بعد 20 يسمى بتمييز. C'est un تمييز. Il vient te montrer l'ibham qu'il y avait dans le 20. تمام؟ Et là, on appelle tamiz zat ou mufrad, car c'est un seul mot. Il est venu expliquer un seul mot qui est 20, c'est tout. ثم قال, deuxième exemple, وطاب محمد نفسا. Traduit par que Mohamed de bonne humeur. لو قيل لك طاب محمد ثم نقف هذا ما يكفي. La phrase, le sens, il est incomplet. Car on va dire طاب ماذا? Dans quel domaine? On aurait pu dire Taba Muhammadun Nafsan. On aurait pu dire Taba Muhammadun Sihatan, de bonne santé. On aurait pu dire Taba Muhammadun Khulukan, et de bon comportement. Là, attention, Taba, c'est pas un fi'l muta'addi, c'est-à-dire Nafsan, c'est pas un maf'oul bihi. C'est pas un maf'oul bihi. L'un des af'al, t'as le qasim le qismain. Un des fi'l lazim. والفعل متعدي اللازم هو celui qui a pas besoin de maf'oul bihi والمتعدي هو celui qui a besoin de maf'oul bihi طاب له طاب يطيب c'est un fi'l lazim donc نفس ne peut pas être maf'oul bihi On va y revenir dans Tamiz Jumla, Inch'Allah. Donc, Nafsan, Tamiz, Nisbah, ou Sama Kada. L'Ena Ufassara Jumla, Taba Muhammad. Il veut expliquer que veut dire Taba Muhammad. L'Ibham qui est dans Taba Muhammad. Qala Anwa'uhu, comme on a dit, Tamiz No'an, Mufradun wa Jumlatun. Mufradun. C'est également ذات et نسبة. تمييز المفرد هو الذي يزيل الإبهام عن كلمة واحدة. Il vient pour enlever le côté inéclairci d'un mot. T'as un mot qui est venu et ce mot-là a besoin d'autre chose pour l'éclaircir. Ce mot qui vient pour l'éclaircir, c'est un tamiz. En français, tamiz, c'est une distinction. يأتي pour te faire distinguer la chose. قال يأتي تمييز المفرد بعد. À quel moment on trouve تمييز مفرد? À quel moment on le trouve? T'explique à quel moment. العدد يأتي بعد العدد. نحو قولك ملكت 90 نعجة. Donc il est venu après un nombre. Quel nombre il y a un khilaf. Certains disent que le salasa à Ashara s'intamise majrour, sadakul, shtaraytu salasata kutubin. À la base, ce qui vient après les ahkem du hadat sont de 3 à 10, diffèrent de ceux qui sont de Ahad Ashar, il est fouk. Le premier, t'as déjà pris les règles d'Hadad? Que le 3 à 10, le ma'doud, yukhalif, al-Hadad, fi tafkirihi wa ta'nithihi. Si le ma'doud, il est féminin, le Hadad va être masculin. Comme dans l'exemple, on a kultulak, indi, ou shtaraytu, thalathata kutubin. Kutub, à la base, kitab, c'est Muzakkar Mu'annath. Muzakkar. Donc le Hadad, il est venu Mu'annath. Thalatha, avec un thème arbouta. Il le suppose à lui, en genre. Wa kazalika, al-ma'adoud, ce qui est dénombré, vient Mudaf ilayhi. Il vient pluriel. En pluriel, Mudaf ilayhi. On a dit kutubin. Shtaraytu, thalathata, kutubin. Kutub, c'est Mudaf de thalatha. Il est venu en pluriel. Tu ne dis pas « salafta kitabin ». Alors que de « ahada achar » il a ma fouk, « ya'ti mufradan » t'akoul « j'taraytu mathalen »« khafta achar kitaban » il ne vient pas de jam, contrairement à notre langue en français. Il vient, il est mufrad. « Wa ma'a thalika laysa bi mudaf »« Wa ma'a thalika wa tamiz » il s'ama tamizan. Ya abati inni raitu 11 kawkaba. J'ai vu 11 planètes. Il a dit kawkaba, il n'a pas dit kawakib. Kawkaba. Kawkaba avec un nas tanwin. Quelle est tamiz. Donc certains ils ont dit que le hadad de thalatha il a 10, ils disent que ça tamiz majrour. Ça c'est un qawl qui existe. Il dit ça tamiz. Quand il est venu, ماذا استبهام صلاه العدد الذي قبله. Si je te dis j'arrête tout صلاه je m'arrête. Tu dis صلاه ماذا يحتاج الى تفسير. Donc là ça rend le ta'lif du tamyiz. إلا أن التمييز هو اسم منصوب. Mais certains disent c'est un tamyiz qui est majrour. Ça c'est un khilaf qui existe. Là n'est pas le problème. Là où je voulais en venir, c'est que le ism qui vient à Mansoub après un hadad, ça tamise. Comme dans l'exemple, Malaktu tis'ina narjatan. Je possède 19 brebis. 90 brebis. Donc le narjatan, il est tamiz. Il est venu moufrad, il est mansoub. Donc il vient par l'adad. Quel adad en particulier? De hada achar, il est tisawatis'in, thumma, car de miya, il est miya wa achara, ça prend les mêmes de miya wa thalatha, il est miya wa achara, ça prend les mêmes règles de 3 à 10. Après, miya wa ahda achar, il est miya wa tisawatis'in, ça recommence à chaque fois. Là, on ne veut pas reprendre dans les règles du Hadad. Donc, en premier lieu, après, le nombre. Thumma kol, el wazn, le poids. Nahu kolika, j'taraytu rotlen asalan. J'taraytu rotlen asalan. J'ai acheté un livre de miel. Rotlen, huna, ma ya'rabuhu. Rotlen, ma fulbihi. لكن لو وقفنا هنا اشتريت رطلا جاشتي ان ليفر اون لي ليفر اون بارل لو بوا با لو ليفر كتاب تاريز كوم سي ديي بارام جاشتي ان كيلو ذا كيلو دو كوا يحتاج الى تفسير فالاسم الذي ياتي بعده هو تمييز هنا قال رطلا عسلا دو ميل دونك عسلا ici attention quelqu'un qui se précipite va dire c'est un sifa. On va dire « Abadan », ce n'est pas un sifa. « Asal », ça ne décrit rien du tout. On va dire c'est un badel. On va dire là, c'est pas un badel. Kazalik. Pourquoi? Car on aurait pu dire, Mathalen, si Ratlan n'avait pas été mafoulbi, il aurait pu être autre chose. Indi, Ratlun Asalan. Là, il est venu Mutadam ou Akhar. Indi, Ratlun Asalan. Est-ce que Asal est venu Marfour comme lui? Donc, c'est pas un badel. C'est pas un badel. Le tamiz, il vient Mansour toujours. Donc, le badel, il est tombé. Taukid, c'est pas la force de Taukid. Maful Moutlok, encore moins, c'est pas un masdar. Même. Et Hel, est-ce que là, on a décrit une Hayat, une façon de faire? Non. Donc, dans tout ce qu'on a pris jusqu'à présent, ça rentre, c'est un tamiz. Après, je vais donner une Karina qui va t'aider à la déceler. Elle est facile. Kazalik, Najiduhu, Bad el-Keil, les mesures. Nahu Kolika, Tasaddaktu, Bisa'in, Tamra. Bisa'in, Tamra. Je fais au monde un sort de Tamra. Sort, c'est un Keil. C'est pas un Wazn. La Tamra, c'est Tamiz. Wa el-Misaha. Les distances. Nahu kolika, hadha shibru ardan. Hadha shibrun ardan. C'est un empan de terre. On peut dire hadha metrun ardan. C'est un mètre de terre. Fatamiz mufrad, matanajiduhu, ba'd al-adad, wal-wazn, wal-keil, wal-misaha, wal-masaha. On peut dire également masafa. Distance. Tamiz Moufrad. Maintenant, je vais t'aider. Hada fihi takdir min. Il y a un takdir de min. Ou un takdir, il peut avoir trois choses, ce tamiz. Il peut venir tamiz. Et il peut venir mudaf ilayhi. Et il peut venir majrur par min. Mathalan, takul. Malaktu tis'in narjatan. Je possède. Non, pour l'exemple qui est en dessous. Tasaddaktu bi sa'in tamra. J'ai fait au monde d'un sa' de tamr. Fil ma'na, yajuz lak an taqul tasaddaktu bi sa'in min tamrin. J'ai fait au monde d'un sa' de tamr. Ash fa'alta al-an jita bi min harf jar wa tamr asbaha isman majruran bi min. Wa kadhalika yajuz lak an tati bi mudaf lidafa. Tasaddaktu bi sa'i tamrin. Bi sa'i tamrin. Donc là, quand tu vois qu'avec Isman Soub, tu arrives à faire, tu as rentré mine dedans, ou en faire un moudaf ilayhi, c'est que tu as affaire à un tamiz. Tu as affaire à un tamiz. Et ça ressemble au quoi? Ce qu'on a pris au hadad de Salasa à Ashara. تقول مثلا اشتريت ثلاثه كتب trois livres on a مضاف مضاف اليه tu aurais pu dire اشتريت ثلاثه من كتب tu aurais pu le dire également le sens aurait été correct et là ça revient pareil ce isme qui est venu après le fassir c'est quoi ثلاثه que tu as pris par contre je n'ai jamais entendu qu'on dise اشتريت ثلاثه كتابا que là je n'ai jamais entendu معرفه فهمت هذا فهذا الذي اخذنا اليوم سنقفنا وتمييز المفرد تمييز المفرد يسمى بتمييز الذات ذكرنا انه ياتي بعد 14 il vient après le adad le nombre il vient après tout ce qui est pesé les poids tout ce qui est mesuré kayl Et les distances, misaha. Wa tamiz el jumla, ça n'a pas de wadan, inshallah. Donc ça arrive dans ta tête. Et demain, on prendra le jumla, inshallah. Tamiz mufrad ou asahl? Hein? Jumla, il y a tamiz. C'est plus le tamiz jumla qui, des fois, cause problème. Tamiz mufrad, il est sahl. Alhamdulillah. مفهوم هذا طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.